Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pajot Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter avec Dominique et Serge. Bonjour. Bonjour. Et ils sont là, bien sûr. Patchwork numéro 37 à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Thaïlande, trois coups de pouce au groupe Alambic, une promenade autour du mot oiseau et le tout étoilé de zouk antillais. Allez, zouk, nous avons dit. Eh bien, Lila est née à Paris en 1988 et c'est une chanteuse de R&B et de zouk. Elle est originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, initialement principale vocaliste du groupe Les DS. Elle mène depuis 2009 une carrière en solo. Oh, je ne pensais pas un jour avoir le courage de retrouver l'envie d'aimer. Mais grâce à toi, j'ai trouvé la paix et le soleil s'est mis à briller. Avec toi, je m'évade et j'efface tout le passé. Près de toi, Lila. Nous sommes heureux d'accueillir aussi aujourd'hui à la technique Alexa et Romain. Alors, revenons sur un petit point géographique. Appelé anciennement le Siam, la Thaïlande est bordée à l'ouest et au nord-ouest par la Birmanie, au sud par la Malaisie, à l'est par le Cambodge et au nord-est par le Laos. Une superficie voisine de celle de la France et une population qui n'est pas non plus si éloignée de celle de la France avec 70 millions d'habitants. Alors, la capitale, c'est bien sûr Bangkok, 5 millions d'habitants. Pour une agglomération de 15 millions d'habitants. Il y a également Nonthaburi pour 270 000 habitants et Nakhon Ratchasima, je ne sais pas si la prononciation est... À tes souhaits, c'est voilà, voilà, qui compte 180 000 habitants. Et la capitale actuelle culturelle, c'est Chiang Mai, il y a à peu près 174 000 personnes. Avec une économie qui repose essentiellement sur le tourisme, le pays compte environ 3 millions d'immigrés légaux et illégaux aussi, dont un certain nombre d'expatriés des produits occidentaux. Et puis le salaire moyen mensuel est de 123 euros. Wow. Alors, malgré l'affrontement de la France et de la Thaïlande lors de la bataille de Koh Chang lors de la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande est le deuxième partenaire économique au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Plus de 280 entreprises françaises y sont implantées. Chanson Thaï. Premier coup de pouce à Alambic. Et pour rappel, Alambic, c'est une goutte de chanson française extraite d'un condensé d'humour, d'amour, déraisonné et d'erreurs de parcours. Un zeste de poésie délicatement entouré d'un reggae qui donne des ondulations. Remède, Alambic. Ah ouais! We'll be right back. aide comme la nuit elle aide. On veut le rhum, le remède. Sans les esprits pour nous guider. On veut le rhum, remède. Mon Dieu comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède. En dessous des 40 degrés. Grand-mère de la bouteille, elle a vu passer des hivers. Elle sait, rien qu'en te regardant, prédire l'avenir qui te sera offert. Elle est grande, elle est belle, mais ses rides ne sont pas une marque de sagesse pour autant. Depuis qu'elle a enterré son mari, elle passe la nuit avec des jeunes de 60 ans. Elle boit des verres à la chaîne, elle lève même à la tienne. Des mouches sur sa peau ébène, elle est balayée d'un simple revers. Elle enchaîne les détours, ne paye plus ses factures, même si elle jure qu'elle paiera content. Elle raconte qu'être proche de la mort, c'est une aventure, faut savoir prendre du bon temps. On veut le rhum, remède. Mon Dieu, comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède. Sans les esprits pour nous guider. On veut le rhum, remède. Mon Dieu, comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède. En dessous des 40 degrés. Qu'elle est là, dans la cabane en plein cœur de la brousse. Et le soir quand le soleil se couche, sur la chaise à bascule après chaque secousse. Une pincée de sucre de canne, une tige de menthe, un demi-citron vert. Que grand-mère voit le fond de son verre, raconte son histoire comme un livre ouvert. Parfois elle fait de la peine, quand elle tient droit à peine. Mais le sang qui bout dans ses veines, fait de la vieille dame une reine. Elle est faite du même bois que sa table, elle est imperméable au ravage du temps. Elle dit les mauvais moments c'est l'hiver, patience, bientôt viendra le printemps. On veut le rhum, remède. Mon Dieu comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède. Sans les esprits pour nous guider. On veut le rhum, remède. Mon Dieu comme la nuit elle aide. On veut le rhum, remède. En dessous des 40 degrés. Bouteille et sur le thermomètre. Grand-mère et son alcoolémie manient l'alambic d'une main de maître. Et elle chante et elle danse. Une fois elle m'a demandé, est-ce que c'est ma tête qui tourne, bien le monde sous mes pieds. Et elle chante et elle danse encore. Le diable au corps, le diable a donné son accord. Elle vivra tant qu'elle ne dort pas. Le rhum c'est la fête. Elle n'a plus toutes ses dents mais a toujours sa tête. Le rhum c'est la fête. Quand elle verra le dedans du cercueil, elle arrête. René Simard. Ben René Simard, il est né en 1961 au Québec. Interprète, animateur, comédien et metteur en scène, c'est en tant que chanteur qu'il connut sa plus grande popularité dans les années 70. Chanteur comme Enfant Star, Un Oiseau, René Simard. Voix Bah merci Daniel de nous dégoter de tels titres. Fadjet, c'est plus qu'une radio dans ce cas-là. Hein. Alors on va maintenant parler de la chanteuse Cyrielle. Elle est issue d'une famille de mélomanes, bercée dès son plus jeune âge par les classiques de la soul, du jazz et de la musique antillaise. Et très tôt, elle se mit à chanter à l'église de la chorale qui était dirigée par son père. Puis plus tard, choriste de Nancy Holloway et de Johnny Hallyday, elle mit également son talent au service de la chorale de l'église et intégra à 17 ans son premier groupe qui s'appelait K-Zero et avec lequel elle apprit tous les classiques de la soul music. Et cette jolie brunette souhaite aujourd'hui, à travers sa carrière solo, véhiculer une image positive de sa culture et espère en l'avenir. Et on écoute M. Piparo Oublié. Je cherche ton visage, donne-moi un signe de toi. moment redouté pour les animateurs. C'est le moment où on va vous parler des sites incontournables de Thaïlande, avec des noms auxquels nous ne sommes pas habitués, bien entendu. Alors, on demande aux Thaïlandais qui sont à l'écoute de notre émission de bien vouloir excuser notre prononciation. Et puis, si vous n'êtes pas content, c'est très simple. Hein, vous venez et puis vous les prononcez vous-même. Et voilà. Allez, que faire en Thaïlande ? Eh bien, Daniel, moi, je vais t'offrir un massage au Wat Pho de Bangkok et retrouver l'ambiance des palais royaux en musardant dans l'ancien city. Par contre, Serge, moi, je te propose de te promener à Lodbury, au milieu des singes. Au milieu ou avec, ou pas me confondre avec. Je n'ai rien dit, c'est toi qui extrapoles, je n'ai rien dit. Et tu peux admirer à ce moment-là le lever du soleil dans le parc historique de Sokhothaï. Quel programme. Alors attends, que faire en Thaïlande? On peut prendre aussi, c'est plus soft, un cours de cuisine thaï à Chiang Mai. Et t'as du boulot. Oui, je pars de rien, je pars de zéro. Également descendre la rivière Kok en regardant les éléphants se laver les dents. Je ne sais pas s'ils ont des brosses électriques, mais il faut une grosse brosse électrique. Ils ont surtout des grosses dents. Voilà, oui. Se déhancher sauvagement lors d'une full moon party. Alors ça te connaît. Ah oui, avec mon corps de rêve, pas de problème. Et tutoyer les poissons au large de Koh Tao dans les jardins de Koro. Allez, quelques sites incontournables. Ayutthaya. À tes souhaits. Voilà. C'est l'ancienne capitale du royaume de Siam et de son parc archéologique. Alors, il y a également Chiang Mai, on en a parlé tout à l'heure. C'est le nœud du tourisme et 350 temples sont à visiter. Ouais. Kanchanaburi, au bord de la rivière Kwai. La rivière Kwai, ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Le pont, on connaît le pont. Le pont, oui. La marche du colonel Bogé. Oui. Et l'eau. Le soleil brille. Ah oui, hello. Oui, bien sûr. Et Koh Lipe ? Eh bien, Koh Lipe, c'est un paradis tropical. Ces plages de sable fin, justement après ton régime thaï. Et les gitans de la mer, une communauté de pêcheurs. Koh Phi, alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais enfin, Koh Phi, des plages de sable blanc et des falaises qui plongent dans des eaux turquoises. Lopburi, il s'agit d'une bourgade tranquille avec ses temples étonnamment livrés aux macaques. C'est la bourgade qui est étonnamment livrée aux macaques. Bon, les macaques aussi. Oui. Phanganga, base célèbre pour ses pitons calcaires, recouverts de végétation et ses impressionnantes grottes, ainsi qu'uniques au monde. Et bien sûr, à ne pas oublier Phi Mai, son merveilleux temple Khmer. Phuket, ah, c'est marrant ça. Phuket, ça s'écrit Phuket. Hein. Mmh. Rien à voir avec le Phuket de... de Paris. Oui, de M. Sarkozy. Une grande variété de paysages entre collines, Evea, mangroves, ces villages de pêcheurs, ces plages et ces marinas, chanson thaï. แม้รักเธอแล้วฉันต้องเศร้าโศก Deuxième coup de pouce à Alambic. Alors, Alambic n'aime rien tant que les hymnes à la fête, à la débauche, à la vie, et les chansons qui, entre reggae, mélodie cubaine et blues, disent beaucoup, sans se prendre au sérieux bien sûr, les chansons qui parlent de nous, du monde, des autres, avec autant de tendresse que d'ironie. Et nous allons écouter « Pas de problème » Alambic. Hey, on est là, on n'est pas là, frère. J'ai mis mon backpack sur le dos, une rame de kayak, deux billets de 20 euros, un duvet pour le bivouac, des bières chaudes pour l'apéro, de pieds, c'est les moustiques m'attaquent, un super bouquet de carottes assez au fond de mon sac. J'accélère avant que la nuit noire me tombe, je vais me perdre dans des ruelles noires de monde, pour faire le tour de la terre, passer d'une vie entière, de voyager en solitaire, vous ne m'empêcherez pas de problème. J'ai pensé passer par chez toi, pas de problème. Dans ton pays ou bien ta ville, ouais, pas de problème. Dakar, Istanbul, Détroit, pas de problème. Touriste ou voyageur, la nuance est subtile, ouais, ouais, ouais. Je n'ai que faire vos hôtels et de vos clubs mètres. Je passe mon temps en vanipier, tirant des plans sur la comète. J'ai testé toutes les toilettes publiques, j'ai dormi à la belle. Me suis fait bouffer par des insectes, réveillé par des flics. Je prends le temps pour discuter avec les vieux dans la rue, pour boire le thé. Pourquoi les gens vont là-bas, pourquoi moi je n'irai pas. Dans ma quête de liberté, j'ai pris le voyage. Comme un pas de problème, j'ai pensé passer par chez toi, pas de problème. Dans ton pays ou bien ta ville, ouais, pas de problème. Pas de problème. Touriste, voyageur, la nuance est subtile. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, j'aurais pu rester posé, trouver un petit boulot peinard. Mais 5 semaines de congé payé, c'est pas assez pour prendre le large. Je souhaite être en vacances toute l'année. Depuis que je l'ai, mon portable est en itinérance. J'ai renoncé à mon confort, à ma retraite, ma voiture. Quand les galères te font marrer, on appelle ça l'aventure. J'ai déplié la quechua sur un morceau de verdure. Moi je dis pourvu que ça dure, pour ça je ne ferai pas de faux, pas de problème. J'ai pensé passer par chez toi, pas de problème. Dans ton pays ou bien ta ville, ouais, pas de problème. Dakar, Istanbul, Détroit, pas de problème. Touriste ou voyageur, la nuance est subtile, ouais, ouais, ouais. Nous allons vous parler d'une chanson brésilienne, Voce Abuzu, que l'on pourrait traduire par « Tu as exagéré ». Or, c'était en 1970, le grand tube du moment au Brésil. Et c'est Michel Fugain qui fut le témoin direct du succès de Antonio Carlos et Joe Capi, qui l'interprétait à l'époque devant 20 000 spectateurs complètement déchaînés. Et d'ailleurs, Michel Fugain n'avait jamais assisté à un tel délire. Tu penses bien que de retour à Paris, il proposa à Pierre Delanoë d'adapter cette chanson en français. Oui, mais voilà, c'est que Pierre Delanoë ne fut guère inspiré par la traduction de cette chanson. Et c'est en se baladant sur les planches à Deauville, au bord de la plage, par un jour de ciel gris comme on sait le faire dans le Nord, où les mouettes volaient bas et que la chanson brésilienne devint « Fait comme l'oiseau ». Un succès phénoménal et plein de nostalgie. « Fait comme l'oiseau », Michel Fugain. Petite fin, les amis. Ah, bah toujours. Alors là, oui, matin, on peut commencer. On bon. Peut commencer. Bon, du riz, non, mais bon. Ah, moi, j'en suis fou, du riz. Je serais bien en Thaïlande. Ouais, c'est ouais. Vrai. Ah, ouais. La cuisine thaï est considérée comme une des cuisines les plus inventives et les plus variées du monde. Alors, elle est surtout caractérisée par l'utilisation de nombreuses saveurs exotiques, comme le curry, la menthe, la citronnelle, le coco, le basilic. Quoi d'autre ? La coriandre, et puis la poularde, le piment. C'est vrai que je vois tes yeux qui pétillent. Tu sais que le riz occupe une place importante. Ah bah tu vois, voilà, moi je peux migrer là-bas, je ne serai pas ennuyé. Je te vois bien, je te vois bien là-bas. Parmi les singes. Bien sûr. Bien sûr. Il constitue l'accompagnement de la plupart des plats. Quelques spécialités. Alors le cas nomme croque. Des petites crêpes au lait de coco. Oh, vous avez certainement déjà vu ça dans des restaurants asiatiques. Ce sont des crêpes qui font à peu près 10 cm de diamètre. Ouais. T'es un connaisseur, Daniel. Hein oui, tu nous mimes en plus. Hein ah oui, moi quand j'y vais, j'en mange une dizaine. Ouh. Alors, le boualoï, c'est toi ? Eh bien oui, c'est moi. Eh bien oui, le boualoï. Des petites boules, alors ça aussi c'est très bon. Des petites boules de farine de riz parfumée aux feuilles de pandanus. Comment tu dis ? Feuilles de pandanus. C'est en un seul mot. Hein. Un seul mot. Ouais, ouais. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Et servi dans du lait de coco tiède. Le Khao Nao Ma Muang, du riz gluant, à la mangue et aux noix de coco. Et le pad krapao, ça c'est du poulet émincé et relevé au piment rouge, bien sûr, ail, basilic et saupoudré de sucre et arrosé de Nyokman. Alors une autre spécialité, le Panang curry. Bah, comme son nom l'indique, il y a du curry. C'est du poulet revenu avec une pâte de curry composée de piment rouge, ail, sel, échalote, citronnelle, cumin, feuilles de citron, kaffir et graines de coriandre. Ah, ça c'est quelque chose pour une bonne haleine, tu vois. Oui, au feu les pompiers. Voilà, ouais. Le lab, viande hachée accompagnée de riz gluant, de haricots crus, de concombres, de choux blancs crus et d'herbes aromatiques. Ça peut se faire avec du poulet, du canard, des crevettes et du bœuf, et là aussi, au feu des pompiers. Le tom kakaï. Toi, tu aimes la soupe, Serge ? Ah, moi j'en mangerai tous les soirs, ouais. Je suis très soupe. Donc là, c'est une soupe thaï. C'est un mélange de lait de coco, de galanga, sorte de gingembre, de citronnelle, de piment, de citron vert et de poulet. Le som tam, de savoureuses salades de papaye verte, émincées et pilées avec de l'ail, du citron, du piment et des feuilles de citron kaffir. Alors une autre spécialité toujours, thaïlandaise, le pad thaï. Il s'agit d'un des plats nationaux. Alors des nouilles de riz sauté, des œufs, des germes de soja, de tofu émietté, de haricots jaunes. Il est constitué aussi de crevettes grillées trempées dans la sauce de Nuoc Nam. Il convient d'ajouter une sauce sucrée à base de citron vert et de servir avec un morceau de feuille de bananier. Alors la sauce de Nuoc Nam, c'est une sauce à base de poisson... C'est pas très fort ça. Si, oui, enfin je vais dire le mot, à force de poisson faisandé quoi. Tout à fait. Bon appétit. Le Tom Yam Kung, également en plat national, une soupe aigre douce à base de crevettes, souvent très épicée, et dans laquelle on peut rajouter des gambas, des fruits de mer ou encore du poulet. Allez, une chanson thaï. Thank you. ัดทอคล้องใจให้เธอรักเสมอให้เธอนั้นจดจำไว้รอยยิ้มนั้นให้เธอต้อนรับวันใหม่คิดถึงใจสองเราก้าวไปพร้อมกันจะยากเข็ญให้เธอนั้นจงแข็งแกร่งถึงร้ายเรียวแรงให้รู้ว่ายังมีฉันแม้เส้นทางมืดมิดไร้แรงแสงจันทร์ประกายเห็นฝันฝากดาวดวงนั้นจากฉันให้เธอดวงใจดวงนั้นจะเติมแต่งฝันจากฉัน Troisième coup de pouce à Alambic. Et pour cela, nous allons écouter Alambic qui met les textes au centre de sa musique, le second degré au milieu de ses mots. Par exemple, pour Alambic, raconter des amours ratés qui se consument au petit matin et houspiller les petits vieux qui dirigent la ville. Ah, les petits vieux, les petits vieux, les petits vieux, ouais. Il y en a marre. Eh bien, c'est son truc. Écoute, ce qui suit, c'est, ça s'appelle Troisième âge. Plus en plus nombreux. une chanson maintenant de 1986, les paroles de Daniel Vaugarde et une musique de Jean Kliger pour chasser les nuages, faire briller le soleil et rajouter des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux, la compagnie créole. Bon, c'est bien joli tout ça. On est allé en Thaïlande. Mais maintenant, il faut faire voir aux amis qu'on y est allé. Hein. Oui, alors Daniel, déjà dans un premier temps, tu pars avec une valise vide ou même pas du tout de valise, c'est encore mieux. Car c'est réellement le bon endroit, pour s'habiller bien et à des prix intéressants. Alors, tu peux ramener quoi de Thaïlande? Des bijoux en argent, par exemple, également. Bon, c'est moins artistique, mais des coques de smartphone. Ça peut rendre service. Ouais. Aussi. Bon, moi, je vais rester très terre à terre. De la nourriture. C'est l'incontournable piment rouge ou vert que tu peux ramener. Des fruits tropicaux. Le longan sort une sorte de petit litchi, en fin de compte, le mangoustan. Alors, le mangoustan, le meilleur fruit exotique du monde. D'accord. Ah oui. Tu es connaisseur, Daniel. Oh oui. Hein, je vois bien. Alors, le mangoustan a une peau violette. Elle renforme ou il, Il ou elle ? Il. Il renforme des petits quartiers blancs. D'ailleurs, oui, comme tu dis, c'est le meilleur des fruits exotiques. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les différentes sauces et épices. Et puis les baumes et les crèmes, notamment le baume du tigre, idéal, vous dira-t-on, pour des problèmes musculaires, pour calmer la toux. Ah ben ça, on en aura besoin, dis donc. Déboucher le nez ou contre les piqûres d'insectes. Et aussi les amulettes qui portent bonheur. Elles assurent une bonne santé, elles attirent l'argent et évitent les accidents de transport. Les idéales pour les touristes qui repartent en avion. Ah ben ils en achètent tous. Hein. Voilà. Et Dominique, tu es allé en Thaïlande ? Oui. Où sont les amulettes ? Dans ma poche. D'accord, d'accord. D'ailleurs, on va écouter à la suite une chanson thaï. Eh ben ok. Des arbres en fleurs en plein hiver et un grand fleuve au reflet d'or, signe du ciel que nous pouvons vivre l'amour, vaincre la mort, comme ces oiseaux de Thaïlande qui ne meurent pas dans la légende et qui font l'amour au ciel immense. Alors là, Daniel, je te vois venir. Je vois une chanson de 1976 de Vito Pallavicini, Toto Cutugno. Claude Carrère, alors Claude Carrère, c'est Monsieur Sheila. Claude Carrère, c'est le producteur de Sheila. Et Jean Schmitt. On écoute Ringo, le mari de Sheila, les oiseaux de Thaïlande. Mmh. Passer des jours extra avec toi. Gentil, fou, stupide et merveilleux garçon. Salut, va. Ou plutôt, adieu. Alors c'est fini, on se quitte. Tu ne plaisantes pas. Là-bas, tu semblais si heureuse. Je ne comprends pas. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 37 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Yves, merci à Alexa et merci à Romain pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et vous savez bien évidemment retrouver le podcast de l'émission en allant sur le site de Radio Fadjet. Et le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Mais bien sûr, nous serons là dimanche prochain pour la cerise sur le... Canto. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Ça, c'est pour les Lorrains. Et radiofadjet.net pour les autres Européens. Nous vous laissons avec Thierry pour Discothèque Classique. Allez, au revoir. Salut les amis, salut.